Nasreddin, la mort du grand leader. Nasreddin arrive un jour dans une contrée qu'il ne connaît pas. Il remarque que tous les drapeaux sont en berne. Il interroge un passant qui lui dit « Notre grand leader est mort, c'est pourquoi tous les drapeaux sont ainsi. » Nasreddin le remercie et s'apprête à poursuivre son chemin lorsque l'homme lui demande « Eh, hey, ne seriez-vous pas le célèbre Nasreddin Hodja ?»« Oui, c'est bien moi, » répond fièrement Nasreddin. « Eh bien, vous pourriez peut-être m'aider. Je dois prononcer cet après-midi l'éloge funèbre de notre grand leader. Et je cherche une phrase qui fasse mouche, une grande vérité. J'ai ce qu'il vous faut, dit alors Nasreddin. C'est une phrase que ma grand-mère tenait elle-même de sa propre grand-mère et qu'elle prononçait à chaque fois que quelqu'un mourait. « Oui, oui, » dit l'homme impatient. « Que disait donc votre grand-mère ?» Nasreddin sourit et dit « Encore un qui ne pètera plus !»